5, hein. Je vais commencer à vous raconter ce que j'ai fait ce soir. Donc je vais commencer à parler de cet essai, donc assez célèbre des écrits, hein, du traitement qui est, je n'avais pas remarqué, mais quand on le lit en haut des pages, c'est du traitement possible de la psychose, et que le titre complet, quand on a, c'est que vous avez la question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Et je vais essayer, apparemment j'ai réussi, mais je ne sais pas si je vais raconter tout ce que j'ai écrit, je vais essayer de commenter les deux premières sections de ce texte. Alors, ça faisait des années que très longtemps vraiment, que je n'avais pas lu ce texte. Je craignais un peu que ça ne me plaise pas du tout, parce que c'est vraiment, je crois, le moment où Lacan croit explicitement, très clairement, à la possibilité de faire une théorie, hein, de la psychose, une théorie psychanalytique, qu'il y a vraiment, là, on est dans une perspective très, très conquérante d'une psychanalyse qui est parfaitement établie comme une institution de soins, on pourrait soigner les psychotiques, on va trouver un moyen scientifique de soigner, de guérir la psychose. Bon, en même temps, comme vous savez, c'est un texte qui est très... qui décrit une situation telle qu'en réalité, il n'y a pas de possibilité de guérir la psychose au sens où on guérit la névrose. Le point sur lequel je vais m'arrêter, hein, qui est une remarque faite à propos de Dida McAlpine, hein, c'est que pour qu'une psychanalyse, il faut qu'il y ait un autre. Que justement, il semble qu'il y ait un problème absolument majeur dans la construction de la psychose à ce moment-là, hein, dans du traitement préliminaire, il n'y a pas d'autre. C'est le point sur lequel je vais essayer de m'arrêter ce soir. Ce n'est pas exactement qu'il n'y a pas d'autre, mais c'est que l'autre qu'il y a est un autre que l'on ne peut pas, en tout cas, facilement exploiter dans la perspective du transfert. En même temps, quand j'étais très très très frappé du fait que ça me semble plus être surtout resitué dans son contexte, hein, donc je parlais un peu de Minkowski, de Merleau-Ponty, etc., enfin des conceptions qu'il y avait à l'époque de la psychose, qui sont plus intéressantes en fait que celles qui sont citées autour du Cachrever, hein, notamment celle de Maurits Kapan. C'est un texte qui est un exercice de raffinement dans l'appréhension de ce dont il s'agit, avec les phénomènes hallucinatoires et notamment l'hallucination acoustico-verbale. Et si on lit le texte comme ça, comme une théorie de la psychose, mais comme un exercice de raffinement dans l'appréciation, le lieu où il faut se passer pour finalement que le phénomène de l'hallucination acoustico-verbale déploie toute sa complexité et sa richesse, ça me semble être quand même beaucoup plus lisible. Et en particulier parce que ça perd cette espèce d'apparence qui sent vraiment l'époque, hein, qui sent les années, parce qu'il n'y avait pas que la psychanalyse, hein, qui voulait être une science à l'époque, la phénoménologie voulait être une science, le marxisme voulait être une science. Ça perd cette espèce de rigidité stylistique imposée par l'époque, où ce qui est déployé, c'est une théorie avec un T majuscule. Vous voyez, hein, ça redevient quelque chose dans lequel, au fond, on peut travailler comme moi j'aime bien travailler, c'est d'essayer d'apprécier le coût des concepts. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait gagner si vous prenez les choses de cette manière-là, et qu'est-ce qui est perdu si vous les prenez de cette manière-là, hein, et du coup, ça rend une forme de fluidité à l'exercice, ça exerce à mieux voir au fond quelles étaient les options qui étaient possibles, pourquoi c'est celle-là qui est choisie plutôt qu'une autre, et donc on entre plus dans un processus ouvert que dans ce dont je me souviens, hein, qui aboutit à ce que vous savez, n'est-ce pas, c'est, c'est ce contre quoi on essaie quelquefois de lutter, mais pas toujours avec succès, hein, ces espèces de descriptions de la psychose, comme si ces pauvres gens avaient une maladie affreuse, qui s'appelle la forclusion du nom du père, c'est vrai, qui est un truc qui leur est tombé dessus, et qui donne à un certain nombre de prétendus rapports psychanalytiques avec les psychotiques une apparence comme ça de savoir et de connaissance, là où au fond c'est complètement mystifiant, hein, cette espèce de rapport, de forclusion du nom du père. Alors, je vais connecter, comme justement mon propos c'est de me servir de l'analyse de Louis Sass comme d'un moyen de faire voir comment on pouvait prendre les choses sur un tout autre bord, je vais quand même rappeler que l'enjeu de ce texte, hein, et dès le départ, hein, je parle là vraiment des premières pages du traitement possible, c'est de choisir comme hallucination paradigmatique l'hallucination auditive, ou plus exactement l'hallucination acoustico-verbale. Hein, c'est plus précis parce que l'hallucination auditive, on peut aussi, il y a toutes sortes d'hallucinations, les phénomènes de prodrome, de la paranoïa sont bien connus, c'est pas le son, hein, des voitures dans la rue, de l'eau qui coule, prend une sorte de teinte très délirante que Jaspers avait justement longuement décrit, hein, cette espèce de avant que la voix ne s'impose, les choses rendent un son bizarre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, une sorte d'hyperesthésie acoustique. Mais évidemment, c'est une chose que d'être dans une perception des paroles des gens ou des bruits des voitures dans un certain registre, et puis d'entendre des voix. Bon. À ce sujet, tiens, je vous signale que Alexandre Breton a fait sur France Culture, je lui avais donné cette indication là d'aller voir Ron Coleman et un Français, Yann de Robert, j'espère. Je pense que je vais l'inviter, puisque ça avait l'air de vous fasciner ces histoires d'entendeur de voix. Je vais lui demander s'il veut bien venir en parler. En tout cas, Alexandre Breton, vous pouvez écouter le podcast sur France Culture, est allé à Armentières et est allé à une session de formation de Ron Coleman avec les entendeurs de voix. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... Bon, ça fait partie des... Et il a, je crois, extrêmement bien mis en évidence... Parce que quand même, le sujet de cette année, c'est à quoi reconnaît-on une psychose, le problème que c'est, hein, de gens comme ça qui prennent en charge de façon extra-psychiatrique, hein, très fortement extra-psychiatrique, qui assument même complètement la gestion, la prise en charge de psychoses hallucinatoires, de ce qu'on appellerait des psychoses hallucinatoires chroniques, avec des voix comme ça, comment ils apprennent à faire avec leur voix. Il y a là toutes sortes de choses à explorer qui devraient, hein, je trouve, intéresser considérablement les psychanalystes, parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes individus, ce n'est pas les mêmes sujets que ceux dont il est question ici, me semble-t-il. Hein. C'est là, l'histoire passe, les phénomènes hallucinatoires, il ne faut pas s'imaginer que c'était gravé dans je ne sais quel marbre de la subjectivité avec un S majuscule. Hein, non, ces choses-là bougent. Et les phénomènes hallucinatoires, certaines personnes les prennent en charge d'une manière tout à fait différente. Donc voilà, vous écoutez ce podcast, il est sur, ça s'appelle, je crois, l'émission s'appelle « La bonne entendeur », d'ailleurs. La bonne entendeur. Et c'est vraiment très frappant. Et bon, pour en avoir parlé un petit peu, un tout petit peu avec lui, il était très frappé, hein, de voir que ça pourrait comme ça avoir l'air très fou. Ça ne l'est pas du tout. Vraiment, on voit tout de suite que c'est pas du tout très fou. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et ça devrait, je crois, intéresser profondément les psychanalystes, plutôt que de rabâcher encore un coup que ces pauvres gens souffrent de forclusion du nom du père. Alors, si je m'appuie aussi sur Sass, qui connaît très bien ces histoires de recovery, de prise en charge des psychoses sur ce mode-là, les entendeurs de voix, hearing voices, toutes ces choses-là, c'est le sommet du recovery. Hein. C'est-à-dire vraiment, c'est quand on s'attaque aux symptômes les plus graves de la schizophrénie et qu'on montre qu'on peut par les moyens de la constitution de certains groupes et de certaines pratiques, etc., gérer de façon non médicale, prendre en charge son destin, son existence, sa subjectivité, d'une façon beaucoup, absolument, dans une autonomie absolument sidérante par rapport au type de choses que nous voyons nous, hein, c'est-à-dire de nos schizophrènes en pyjama hein, qui s'ennuient à 100 sous de l'heure dans les lounges des services. Hein. C'est vraiment quelque chose là de totalement différent. Donc ça, s'il a été, pas avec les entendeurs de voix, mais avec d'autres personnes, avec Larry Davidson, tout à fait impliqué. Alors, ce qui m'a aussi va m'intéresser aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu avec Merleau-Ponty, c'est que Lacan, en écrivant ce texte, a en ligne de mire certainement Henriet, bon, on va voir pourquoi, mais parce que c'est facile. Il y a quelqu'un derrière Henriet, il y a Minkowski. Et il y a quelqu'un encore derrière Minkowski, dont il parle, qui est Merleau-Ponty, et notamment, dans la phénoménologie de la perception, un chapitre très important, hein, qui est ça doit être la section de la partie 3, c'est ça, c'est la fin de la section D de la partie 3 de la phénoménologie de la perception, qui est le fameux développement sur les hallucinations, sur la théorie des hallucinations dans la phénoménologie de la perception. Parce que, je vous lirai un certain nombre de passages tout à l'heure, vous verrez que Merleau-Ponty, en 1945, a déjà totalement réglé son compte à ce que Lacan dénonce. Et que le point d'arrivée de Merleau-Ponty sur la question de l'hallucination psychotique et neurologique, parce que les choses aussi, il ne faut bien pas oublier cette chose-là, ne sont pas si clairement détachées que cela, hein, à l'époque. Hein. C'est pas si clair que ça. C'est le point de départ, le point d'arrivée de Merleau-Ponty, c'est le point de départ de Sass, hein, qui va reprendre un certain nombre d'éléments. Ici, d'ailleurs, ça, Merleau-Ponty et Minkowski, dans des endroits tout à fait stratégiques. Alors, j'ai aussi choisi de m'appuyer encore lointainement sur ce livre de Sass, en vous rappelant qu'effectivement, l'approche que Louis développe en s'appuyant sur l'idée que chez Schreber, ce à quoi on a affaire, c'est vraiment de la schizophrénie. C'est de la schizophrénie au sens de la psychiatrie classique allemande et de la façon dont les Américains l'ont reprise, relu Jaspers, tandis que, évidemment, chez Lacan, le point d'entrée dans le cas, c'est la paranoïa, chez Lacan et chez Freud, d'ailleurs. Encore que chez Freud, je vous rappelle, c'est pas absolument trivial, hein, puisqu'il utilise la terminologie kreplinienne de schizophrénie paranoïde, hein, schizophrénie paranoïdes, quand il décrit le cas du président Schreber. Alors, c'est le premier point. Deuxième nuance extrêmement importante, c'est l'accent extraordinaire que met Louis sur la question de la vision, hein, du voir comme, et sur la sensorialité corporelle de l'expérience du président Schreber, ce qui le met dans la position très délicate d'avoir à rendre compte des hallucinations acoustico-verbales, hein, c'est-à-dire est-ce que, qui sont quand même, je pense, quand on lit les mémoires du président Schreber, le gros de ce qu'il raconte dans son délire, c'est quand même autour de ses hallucinations acoustico-verbales. Alors, pour la tendance de Louis, c'est de réduire ses hallucinations, si vous voulez, à quelque chose qui est... C'est un type de choses qu'il perçoit et auquel il applique le schème de modification de la subjectivité, qu'il applique à tous les autres événements sensoriels. Et donc, il travaille sur les hallucinations acoustico-verbales en disant que les mots qui sont entendus, les pensées auxquelles on pense, il y a un type de distanciation, d'abstraction, etc., particulier qui s'y applique et qui produit, en dernière analyse, le phénomène de la Grundsprache, les troubles du langage. Mais enfin, même si c'est, moi, je trouvais extrêmement ingénieux hein, de dire ça, de dire que c'est, au fond, Schreber, quelqu'un qui, comme dans le panoptique de Foucault, surveillerait ses propres pensées, en les ayant comme ça toutes à distance et en les examinant et en les regardant en train de se penser, ce qui produirait tous ces effets de concentration, d'isolation, de où elles se mettent à penser toutes seules, où on est enfin, dans une sorte de cercle vicieux. Même si cette explication est assez, assez séduisante, elle n'est pas du tout exclue. Elle est quand même, me semble-t-il, elle déséquilibre énormément le texte même de Schreber. Réciproquement, si on insiste puissamment dans, comme fait Lacan, sur la question des hallucinations acoustico-verbales, et qu'on pense qu'au fond c'est ces hallucinations qu'il faut expliquer, on va se retrouver sur les bras avec tout le problème des hallucinations sensorielles, perceptives, etc., qui sont surabondantes dans, également dans le cas de Schreber, et qui sont justement celles qui, précisément, parce qu'elles prennent au corps Schreber, elles le prennent dans son corps, très réellement, avec des phénomènes de catatonie, etc., qui sont justement beaucoup plus difficiles à mettre au compte de la paranoïa. Là, on est vraiment beaucoup plus du côté de la schizophrénie. Et donc la difficulté symétrique et inverse de l'entrée de Lacan par la paranoïa, c'est de rendre compte, évidemment, tout ce qui est linguistique est transparent, la théorie du signifiant l'explique très bien, mais donc tout ce qui est le passage du signifié au perçu, au vécu, au sensoriel. Or, il y a des phénomènes sensoriels. Il est très difficile de dire quand il voit danser le soleil ou des choses comme ça, ou quand il voit apparaître des insectes, que c'est très difficile de se contenter, enfin c'est Lacan le fait, mais de se contenter de pousser ça de côté en disant oui, bon, c'est ce que signifie finalement la présence de ces objets, des guêpes par exemple, ou du soleil, que ce qui est authentiquement perçu et ressenti. Ça l'est d'autant plus que tout le monde se moque ici d'une tradition de besogneux neuropsychologues de la schizophrénie, etc., qui ont cherché des correspondances au niveau des organes des sens, etc. On sait des choses, par exemple, qui n'étaient pas du tout repérées dans, à l'époque. On sait des choses très frappantes. On sait par exemple que ce que aucun clinicien, vous trouverez ça dans aucun clinicien du 19e siècle ou du 20e siècle, que dans la schizophrénie, il y a des troubles de olfactifs extrêmement particuliers, des asymétries de la perception, hallucinatoires de la perception, des odeurs gauche-droite, etc., qui sont tout à fait frappantes, qui sont la trace que des mécanismes sensoriels particuliers sont perturbés. On a aussi mis en évidence, de façon extrême, avec des protocoles expérimentaux dont évidemment il n'y avait pas les moyens à l'époque, qui sont très récents, on a mis en évidence les troubles de l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité à les troubles massifs et très très récurrents et objectivables chez les patients schizophrènes, et schizophrènes au sens du DSM, vraiment schizophrènes avec des critères extrêmement massifs, pas du tout fins, complètement statistiques, etc. Quand on sélectionne ces populations, on met en évidence, par exemple, l'extrême difficulté à transposer du registre tactile au registre visuel la perception d'une forme ou des choses de ce genre. Donc, ce qu'on appelle l'intermodalité sensorielle est très... Bon. Sauf qu'à l'époque, n'est-ce pas, on n'avait pas les moyens de mettre en évidence ce genre de choses, et puis que c'est toujours extrêmement complexe de considérer que ces choses-là ont une... sont des indications d'un déficit cérébral. Ça peut être aussi bien, parce qu'on voit, on objective facilement, expérimentalement un déficit. Il est toujours beaucoup plus intéressant, et ça a été également objectivé, de montrer qu'il y a de la surperformance. Par exemple, les schizophrènes ont des surperformances qui sont assez connues intuitivement, mais qui ont été tout à fait vérifiées dans certains jeux vidéo, par exemple. Il y a un exercice auquel on se livre beaucoup à la Salpêtrière. C'est quand on met un schizophrène devant un écran avec un canon laser et puis des aliens qui attaquent des deux côtés, quand vous prenez un groupe témoin d'étudiants comme ça qui jouent à ce truc-là, ils se font rapidement détruire par les aliens. Tandis que les schizophrènes sont capables, eux, au contraire, de détruire les aliens qui arrivent des deux côtés pour une raison qui actuellement est décrite de la façon suivante, c'est que les effets d'amorçage qu'il y a dans la cognition schizophrénique sont des effets qui leur permettent finalement de ne pas être trop victimes de l'habituation. Quand vous avez vu trois fois sortir l'alien du côté droit, vous ne pouvez pas vous empêcher c'est un niveau infraconscient, hein, c'est de la gestion des routines cognitives et motrices, d'être plus prudent quand ça arrive de ce côté-là, que ça arrive, alors si ça arrive de l'autre côté, vous êtes mort. Voilà. Tandis que le schizophrène, justement, parce que les effets d'habituation qu'il a sont diminués, hein, ça lui permet au contraire de déplacer beaucoup plus rapidement son attention, de répartir son attention d'une façon à ce que, de quelque côté que la vienne surgisse sur l'écran, c'est pareil, il est beaucoup plus capable qu'un autre d'y répondre. On a toujours su qu'il y avait des compétences très particulières, cognitives, que la schizophrénie n'empêchait pas, par exemple, certaines prouesses mathématiques, certaines prouesses intellectuelles, littéraires, etc. Il y a un très grand philosophe des sciences français, Gilbert Simondon, par exemple, qui a écrit un livre extrêmement célèbre sur l'individuation, sur les objets techniques, par exemple, il était schizophrène, hein, il était à l'hôpital, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, et dont les compétences intellectuelles et scientifiques ont finalement déclié très tardivement, mais qui avait, de la vie générale, de tous ceux qui l'ont approché, qui m'ont raconté la chose, qui avait vraiment une manière d'être avec les gens complètement étrange. Hein, on voyait tout de suite que c'était pas quelqu'un de comme les autres. Donc ça n'a jamais été nié, si vous voulez. Ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que de plus en plus de cognitivistes, par exemple, sont tout à fait partisans de penser que ce n'est pas forcément déficitaire. C'est curieux d'ailleurs de croire comme ça que le cognitivisme serait essentiellement une approche qui viserait en biologisant et en médicalisant à se placer du côté du déficit. Il y a toute cette idée qui émerge aujourd'hui de style cognitif alternatif, hein, qui est une manière de construire des formes de déstigmatisation réhabilitant un certain type de performance. Mais là, à nouveau, pour quel sujet, hein, ce sont des questions qui sont faites, des questions de type éthique. Donc là, vous avez, pour ça, ce qui m'a beaucoup intéressé, je ne vais pas rentrer trop en détail dans les théories contemporaines de la cognition schizophrénique, mais il y avait toutes sortes de choses qu'on ne connaissait pas, qui sont allées pas mal dans le sens des approches phénoménologiques. Beaucoup d'approches phénoménologiques ont débouché sur des protocoles expérimentaux validant des modalités particulières du traitement de la perception qui sont celles dont justement Descartes, Lacan, va s'écarter fortement. C'est la question de Descartes un peu plus tard. Enfin, troisième point, je vous rappelle de mon entrée là dans Lacan par Sas, c'est que chez Sas, vous rappelez, il y a une insistance très très forte sur la dimension épistémique, c'est un mode de connaissance la schizophrénie. Un mode de connaissance articulé autour du solipsisme, de la subjectivisation, alors j'ai traduit systématiquement subjectivation, mais le terme anglais qu'il utilise est un terme plus compliqué, subjectivisation, mais je trouvais qu'on pouvait dire subjectivation plutôt que subjectivisation, ça faisait un peu trop lourd. Et tandis que chez Lacan, bien évidemment, l'accent n'est pas du tout mis sur la dimension du style de savoir du schizophrène, mais sur la modalité très particulière de sexuation et de rapport à la mort, de rapport à l'existence, donc à l'anéantissement de l'existence, comme sujet auquel se confronte le schizophrène, le paranoïaque, le psychotique. Plutôt le paranoïaque, d'ailleurs. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'en même temps, je trouve que le texte, alors évidemment là, il est imprégné des années 50, de la philosophie, du style philosophique, de philosophie scientifique de l'époque, hein, avec lequel il rivalise, c'est quand même un Freud très très très épistémologique, hein, qui est ici mis en évidence. On en rajoute des tonnes sur la dimension de rupture épistémologique que Freud impose dans le champ de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Hein, c'est vraiment, il est très très épistémologique. Et quand Louis était à Paris, j'étais très frappé de la façon dont il décrivait ce qu'il appelait les références au masculin et au féminin, la transsexualisation chez Schreber. Il décrivait en fait des polarités qui pour une oreille lacanienne étaient au fond des polarités de la jouissance, hein, qu'effectivement, oui, c'était pas homme-femme, mais que tout ce qu'il a raconté sur le fait que toucher sans être touchant sans être touché, sur le rapport à la chair, à la, évoquait très directement des asymétries fondamentales de la jouissance, qui, en se refusant de parler d'hommes et de femmes, finalement, étaient presque plus lacaniennes encore que les protestations de la salle, n'est-ce pas, qui disaient, mais quand même, ce changement de sexe est comme un changement de sexe, c'est pas un mode de connaissance particulier. Donc il y avait là, à nouveau, toutes sortes de recroisements où l'approche épistémique de Sas débouche quand même sur quelque chose qui mettait en évidence l'incommensurabilité des jouissances, tandis que l'approche explicitement sexuelle et existentielle de Lacan passe par une épistémologisation extraordinaire de Freud et par une réhabilitation du fait qu'il y a bien un mode de connaissance paranoïaque qui consiste à mettre l'image du corps dans les objets, sans objet titane, au sens des objets que nous rencontrons dans le monde vécu, qui lui-même est une théorie de la connaissance. Il n'y a pas de paranoïa sans une théorie de la connaissance. Et donc là, à nouveau, il y avait toutes sortes de chiasmes qui me semblent rendre fécond le rapprochement. Alors, ayant rappelé, pour faire cette connexion-là, j'entre un peu dans ce texte. Il a donc un certain nombre de sections. J'avais l'intention de commenter jusqu'à la page 500, jusqu'à l'introduction en gros des diagrammes, jusqu'à avec Freud. Donc les deux premières sections, parce que après ça devient la section avec Freud du côté de Schreber, etc. Ça suppose une chose un petit peu plus élaborée. Mais donc vers Freud et la première que je vais discuter aujourd'hui et la deuxième après Freud, pose le problème de la manière suivante. Il faut en sortir de quelque chose qui est une sorte de position philosophique dont je ne sais pas si jamais personne l'a jamais tenue. Alors c'est un peu comme quand Wittgenstein dénonce les philosophes, n'est-ce pas, vous cherchez en vain quel est le philosophe qui a bien pu tenir une proposition de ce genre. C'est plus une sorte d'esprit général qui est critiqué. Et cet esprit général, c'est une sorte de sous-philosophie, de philosophie scolaire, académique, une sorte de philosophie de psychologie des facultés d'une certaine manière, qui imprègne très profondément la psychologie académique, et notamment la psychologie académique des psychiatres. Si vous n'avez jamais lu Politzer, par exemple, le texte de Politzer sur la psychologie, de la psychologie, qui est une lecture de Freud, vous pouvez lire ça, ça vous donne une petite idée de ce que c'était que le caractère insupportable d'un certain nombre de textes académiques de la psychologie de l'époque, finalement sont entièrement au service, et d'ailleurs pour des raisons contestables, pour des raisons idéologiques, parce qu'on ne peut pas penser autrement, et notamment en France, au service de ce qu'on appelle la liberté de penser, la volonté, l'individu, l'autonomie. C'est ça une philosophie extrêmement Troisième République, d'une certaine manière, dont le modèle idéologique et conceptuel le plus élaboré se trouve certainement chez Janet, par exemple. Janet, moi, je n'arrivais pas à décrire que la psychasthénie, c'était vraiment une maladie qui ne pouvait toucher que les républicains de la Troisième République. C'est un ensemble de considérations psychologiques absolument organisatrices, dans lequel tout le monde se reconnaît, dans lequel tout le monde voit de quoi il s'agit, que tout le monde accepte, qui se diffuse même pas tellement auprès des médecins, hein, mais qui a un succès absolument énorme auprès des philosophes, des idéologues, des gens qui décrivent la psychologie ordinaire, des romanciers, des gens qui font des pièces de théâtre, de la conversation mondaine, des philosophes, hein, puisque la psychasthénie de Janet, finalement, très peu de psychiatres y ont cru, vraiment. Hein, mais alors, Sartre et Merleau-Ponty vont continuer à en parler presque 50 ans après. Hein, c'est vraiment quelque chose de... Donc vous avez tout cet espace assez amusant de psychologie académique qui infiltre la psychiatrie en un lieu bien précis, c'est la théorie des hallucinations. La théorie des hallucinations repose donc sur cette fameuse idée qu'une hallucination, c'est une perception sans objet. Ça vient de Taine, hein, ça vient de l'intelligence de Taine, parce que ce qui intéressait Taine, c'était pas tellement de dire que la perception, l'hallucination était une perception sans objet, c'était de dire plutôt que la perception, c'est une hallucination qui a réussi. Ce qui est une manière très provocatrice chez Taine, très matérialiste, de dire qu'au fond, dans un monde, celui du darwinisme, n'est-ce pas, où tout procède par essai, erreur, etc., dire que la perception est une hallucination qui a réussi, c'est mettre l'accent sur l'engagement pratique de l'être vivant dans le monde dans lequel il se déplace, et puis ensuite essayer, à partir dans cet être vivant, de considérer au fond, de mettre au second plan le cogito cartésien, cette espèce de moi qui est le centre organisateur de la pensée dans l'idéalisme philosophique, et puis de dire au fond que nous sommes, notre esprit est une espèce de masse semi-organique, il appelle ça un polypier, c'est pas un polypier d'image, une sorte de masse semi-organique dans lequel, par un système de compensation, de réduction des contraires, etc., quelque chose qui tient à peu près la route s'organise sur une base associative et permet à l'organisme vivant d'avoir une vie psychique qu'il peut remodeler avec une plasticité absolument considérable en fonction des besoins de son environnement. Et dans ce sens-là, n'est-ce pas, chez Taine, l'idée que l'hallucination est une perception sans objet est une sorte de corrélat psychopathologique d'une thèse beaucoup plus forte, hein, ce qui est l'idée que l'hallucination, c'est une perception qui a réussi, hein, et que par là, c'est quelque chose qui est déjà anti-cartésien. Alors, ça a une fortune que je ne vais pas retracer, qui est très complexe, hein, qui passe par beaucoup d'étapes. C'est une fortune considérable, parce que ça arrive entre les mains d'Henriet. Et là, Henriet voit très très bien quel est le problème que pose une définition de ce genre, et dans son traité des hallucinations, il y ajoute une mention très importante. Il dit, il reprend donc ce thème, l'hallucination est une perception sans objet, et il y ajoute une détermination essentielle, apercevoir. L'hallucination est une perception sans objet à percevoir. Autrement dit, il y a déjà l'indication que la perception, elle est toujours perception de, hein, c'est beaucoup plus phénoménologique, elle est perception de, et que quand justement manque l'objet intentionnel de la perception, hein, l'objet qui serait à percevoir, parce que il perçoit bien quelque chose, l'halluciné, hein, c'est ça, quand il dit qu'elle est sans objet, hein. Mais ce qu'il perçoit, c'est pas l'objet qui est à percevoir, il y a une sorte là de ratage très particulier. Il perçoit autre chose, et ça c'est un élément sur lequel Maurice Merleau-Ponty revient. Je dirais comment. Donc il s'éloigne de Henriet parce que, au fond, cette hallucination sans objet à percevoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a plus du tout la même fonction que chez Taine. Elle ne cherche pas du tout à dire que la perception est une hallucination que réussit. Elle dit qu'il y a un état normal du moi, où le moi perçoit ce qui est à percevoir, du percipiens, du percevant, hein, où le percipiens perçoit ce qui est à percevoir. Et puis un état anormal, où justement, il ne perçoit pas ce qui est à percevoir. Mais le percipiens reprend dans cette vision-là des traits cartésiens. C'est-à-dire qu'il redevient un centre organisateur avec des visées, des objets. C'est plus du tout la formule de Taine qui était une formule anti-cartésienne, une formule beaucoup plus provocatrice. Consiste à dire, hein, que la perception est une hallucination qui réussit, je trouve ça plutôt marrant comme idée. Bon. Là, on est vraiment revenu dans l'idée qu'il y a un moi normal, qu'il y a des choses à percevoir, et que s'il ne les perçoit pas, eh bien, il hallucine. Voilà, il perd la réalité, perte de la réalité. Le fait de parler d'intentionnalité est très important ici, parce que quand vous dites que la perception normale, c'est la perception de ce qui est à percevoir, vous voyez que c'est une intentionnalité où est tout à fait assumée l'idée, c'est pas une intentionnalité idéaliste, c'est une intentionnalité dans laquelle, au fond, l'intention doit viser un objet à percevoir qui existe déjà. On n'est pas du tout non plus dans cette perspective husserlienne de l'intentionnalité, où l'intentionnalité serait constitutive de ce qui est à percevoir. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus modeste, qui est une articulation juste de la visée à un objet préexistant. Autre point extrêmement important, c'est que une conception comme celle de Henriel, alors c'est absolument manifeste quand vous lisez le traité des hallucinations, c'est une conception qui sert à la fois à parler des hallucinations auditives, mais aussi des hallucinations visuelles, kinesthésiques, olfactives, etc. Autrement dit, c'est une théorie de l'hallucination qui est neuropsychiatrique. Il s'agit aussi bien de travailler sur les grandes hallucinations neurologiques, que sur les hallucinations du psychiatre, sur les hallucinoses, en particulier toutes les hallucinoses type hallucinoses de Wernicke, les hallucinoses toxiques par exemple, qu'on voit plus beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui bouffent de l'éther, mais les gens qui ont pris leur retraite aujourd'hui ont vu, comme ça, je crois que les gens qui ont fait la guerre au Vietnam ont vu des hallucinoses à l'éther, comme ça. C'est des hallucinoses notamment avec des figures géométriques, les murs se couvrent de figures géométriques. Puis vous avez aussi des hallucinations très particulières, les hallucinations lilliputiennes, où les bordures des objets sont couvertes de petits personnages qui courent comme ça, qui se déplacent. Les bordures uniquement, vous voyez le bord de la table, les dossiers, les bords du livre, etc. Les corniches des murs. Et puis, évidemment, les grandes hallucinations qu'on voit toujours dans les urgences psychiatriques, type délirium tremens, où les gens vous racontent avoir vu grouiller des rats, des insectes, etc., qui sont des hallucinations absolument horrifiantes. Tandis qu'en général, les hallucinations lilliputiennes et la plupart des hallucinoses toxiques ne sont pas accompagnées d'états affectifs désagréables. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas. Et en plus de ça, ces hallucinations toxiques, les gens vous les décrivent comme faisant partie de l'univers perceptif, les petits personnages qui courent sur les corniches, par exemple, comme un lilliput, mais avec un mode d'adhésion qui est quand même assez différent. Ils y croient, enfin, ils les voient, mais sans y croire, si j'ose dire, si on peut se représenter les choses comme ça. Tandis que dans le délirium très mince, les gens peuvent... sont absolument terrifiés, sont dans un état de panique totale, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu à quoi ça ressemble un délirium très mince. Alors, ce qu'on peut reprocher à cette théorie-là, c'est qu'évidemment, elle est de très peu d'usage pour l'hallucination spectaculaire par excellence, qui est l'hallucination acoustico-verbale du paranoïaque. Elle a comme défaut, on n'est pas loin ici des textes non plus de la polémique entre Foucault et Derrida, qui au fond est de quelques années postérieures, on n'est pas loin de la position dite cartésienne, n'est-ce pas ? Mais quoi, ce sont des fous, ces gens qui se prennent pour des corps de verre, c'est-à-dire de sécuriser une sorte de moi du bon sens qui sait exactement ce que c'est que la réalité, en l'opposant à une représentation de la folie qui est d'autant plus dramatique que, justement, elle sert à établir un partage qui est tout sauf épistémique, en quelque sorte. Et c'est vrai que avoir se prétendre lacanien et parler de la forclusion du nom du père dans les mêmes termes qu'un psychiatre parle de la perte de la réalité, c'est-à-dire sur le mode d'un déficit du sujet, de quelque chose qui est arrivé à ce pauvre bonhomme ou cette pauvre femme, n'est-ce pas? Et ben voilà, quoi, là, une forclusion. Moins, évidemment, le coût de localiser la forclusion dans le troisième lobe temporal ou je sais pas où, hein, ben, c'est pas un truc très coûteux, hein, c'est une sorte d'entité mystique qui plane et au-dessus d'un ensemble de données cliniques, n'est-ce pas? Voilà. Ça reproduit, hein, le même thème de la perte de la réalité comme carence et comme déficit. C'est pour ça que c'est un terme extrêmement difficile à utiliser, le terme de forclusion du nom du Père. C'est-à-dire que là, il est incroyablement exploratoire dès qu'on commence à l'utiliser sur le mode de la théorie de la psychose avec des majuscules partout, ça devient immédiatement, ça joue automatiquement le même rôle que celui de la perte de la réalité dans ce fou Lacan à longueur de page. Et alors, ce sur quoi insiste essentiellement ici Lacan, hein, ce premier développement, là, vers Freud, c'est qu'il faut sortir de cette psychologie cartésienne, il faut sortir de la perte de la réalité, et il faut s'appuyer sur, alors c'est fugitif, ça passe à un moment, sur l'intuition. Le problème du phénomène psychotique radical pour Lacan, et qui est certainement, je crois, un des plus énigmatiques qui soit, c'est l'intuition délirante. C'est que le sujet sait, il sait, voilà. Que vous n'êtes pas vous, qu'il y a quelque chose là qui... Vous n'êtes pas vous, il le sait. Hein. D'ailleurs, il y a des petits détails qu'il va commencer à repérer, mais que vous êtes un sosie, par exemple. Voilà. Il le sait, c'est une intuition. L'intuition, c'est très très énigmatique, parce que je vois qu'on utilise le vocabulaire de l'intuition, c'est qu'on est un peu... Calé, c'est une sorte de point d'appui ultime. Il sait, et il sait parce que c'est comme ça. Bon. Il y a eu des travaux très intéressants, notamment les travaux de Targovla, Dublino dans les années 30, qui tentaient de comprendre ce que c'était que le phénomène de l'intuition à partir de son devenir. Et c'est vrai que les gens qui ont des mécanismes intuitifs, les psychotiques qui ont des mécanismes intuitifs, ont deux devenirs assez distincts. Il y a les grands délires d'imagination, à la Dupré, ou des paraphrénies, par exemple, dans le vocabulaire allemand, de la psychiatrie allemande, et puis il y a une autre direction de transformation de l'intuition, qui est l'interprétation. La persécution, ça vient tout à fait après. Donc c'est soit le délire d'imagination, à la Dupré, soit les délires d'interprétation. Donc vous voyez, c'était une approche du phénomène de l'intuition par sa transformation. Ce que va tenter Lacan, c'est une approche, une vraie approche définitoire de l'intuition. Il va dire l'intuition, c'est une signification qui n'attend pas de se déployer pour être immédiatement présente. C'est une signification qui est à l'état pur. Elle est directement donnée, elle n'a pas besoin d'un procès, et notamment pas besoin d'un procès de validation par l'autre, pour valoir comme intuition. La signification, est en quelque sorte, est d'emblée complète. Et justement, étant d'emblée complète, elle ne nécessite aucun ajustement, comme celui de la perception, qui devrait s'ajuster à ce qu'elle vise, qui devait être perception de ce qui est à percevoir. Là, vous n'avez pas du tout, si vous prenez les choses par le biais de l'intuition, et que vous définissez l'intuition comme une signification d'emblée complète, vous n'avez plus du tout ce travail d'ajustement de la théorie de l'hallucination entre ce qui est perçu et ce qui est à percevoir, et puis ce qui est à percevoir est raté. C'est quelque chose qui est immédiatement présent, qui est en quelque sorte totalement synchronique. La notion d'intuition que développe Lacan, c'est une notion synchronique de l'intuition. Et comme elle est synchronique, elle ne peut renvoyer qu'à la structure synchronique par excellence, qui est supposément celle du langage. En tout cas, à partir du moment où vous mettez l'accent sur la notion d'intuition, je vous montrerai où dans le texte, il n'y a plus de processus psychique, il n'y a plus de choses de ce genre. Dès qu'il y a intuition, dès qu'il y a un mécanisme intuitif, et ce sont des événements discrets dans le de devenir des psychotiques vient psychose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à avoir des intuitions, en quelque sorte, vous ne pouvez pas commencer à avoir une intuition. Quand vous êtes pris dans cette signification inondante, n'est-ce pas, que le type là, il a tout l'air du type, il a ses lunettes, ses cheveux, etc., mais c'est pas lui. Et vous le savez, par exemple, pour prendre une hallucination de ce type-là, vous n'êtes pas en train de développer un processus quelconque qui est en train de vous rendre psychotique. Vous êtes psychotique. C'est pas du tout quelque chose de ce type-là qui se passe. Alors, ayant dit cela, dans la deuxième section, donc dans le 1.2, il donne un exemple que je trouve une obscurité noire, mais en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, parce que je croyais que j'avais compris cet exemple, et en fait, je vois absolument pas pourquoi on croit Lacan. Je vois pas du tout, ça m'a l'air absolument tiré par les cheveux au dernier degré, c'est son explication de la fameuse hallucination truie. Bon, voilà. Qui est un truc extrêmement obscur. Alors évidemment, comme tous les trucs obscurs, il suffit de le simplifier suffisamment pour qu'il paraisse clair, et puis voilà. Mais donc, je vais quand même relire le passage, la page 535, où vraiment c'est une sorte de... Ça va extrêmement vite, ils sautent de truc en truc en disant qu'ils se déduisent les uns des autres, mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'ils se déduisent les uns des autres. Qui pose en plus un problème très particulier, c'est que le modèle qui est donné là, c'est franchement pas le modèle de Schreber, hein. C'est un délire à deux, un délire mère-fille est clairement quelque chose qui est exclusivement paranoïaque. C'est très intéressant qu'ils se soient intéressés à un délire à deux et un délire mère-fille, hein, et que ce soit à partir de cela qu'ils s'en servent comme paradigme pour poser un certain nombre de choses extrêmement intéressantes sur le signifiant et le délire. Puisque c'est à partir de là où il va commencer à entrer sur le rapport du sujet au signifiant. Je vous rappelle qu'à l'époque, hein, Lacan n'a pas du tout formulé la fameuse phrase, n'est-ce pas, le sujet c'est ce qu'un signifiant représente pour un autre signifiant. Pas du tout. Je crois que c'est des années après, enfin ça doit être au moins 4 ou 5 ans après qu'il doit utiliser cette formule canonique. Et donc là, quand on se situe dans la lecture de ce passage, on est vraiment, je trouve, dans le... quand il parle des shifters, quand il parle de Jacobson, dans un état de non-complétude, en quelque sorte, de la théorie du signifiant, de son algébrisation, des mathèmes, etc. C'est vraiment une statue nascente. Et le moment où il va arriver donc avec à Freud, avant de faire le saut pour après Freud, c'est la dernière étape du raisonnement, c'est qu'ayant introduit cette idée que ce qu'il faut penser, c'est le rapport synchronique du sujet au signifiant, il faut déblayer totalement le champ et sortir complètement la question de la psychose de son interprétation traditionnelle, autrement dit, la projection affective et narcissique. Il y a une perte de la réalité, et au fond, la psychose, c'est le bouchage de ce trou dans la réalité par une projection narcissique affective. Et que c'est ça qu'on appelle un délire, c'est le résultat de cette projection-là. Une fois seulement arrivé là, alors il va dire, on va rentrer dans Freud. En disant, mais jamais Freud a dit ça, etc. Le problème c'est que Freud n'a pas cessé de dire ça, hein. C'est constant chez Freud, et pour une raison très simple, c'est que le paradigme freudien, c'est le rêve pour penser la psychose. Donc évidemment, le rêve, ça n'est absolument rien d'autre qu'une activité dans laquelle effectivement quelque chose de l'ordre de la projection, des images, des choses comme ça, va se produire, des vœux, des... Bon. Et donc, à aucun moment n'est abordée frontalement la question de savoir si Freud s'est pas complètement trompé, n'a pas égaré tout le monde, en prenant comme modèle de la psychose le rêve. c'est quelque chose de très constant chez Freud, jusqu'à la fin, hein, jusque dans l'abrégé de psychanalyse, le rêve reste le modèle à partir duquel est pensée la psychose. Ce qui lui pose évidemment le problème de savoir comment on peut rendre compte des rêves des psychotiques ou des choses comme ça, mais enfin bon, on est dans un univers, Freud et Lacan sont dans des univers tellement différents que c'est souvent difficile de les superposer pour les confronter. Mais en tout cas, la liquidation de la théorie de la projection narcissique et affective dans le trou creusé par la perte de la réalité implique aussi la suppression de la dimension du rêve. Ça veut dire aussi, hein, faut pas oublier cette chose-là, puisque vous savez tout l'intérêt que j'ai pour Bion et pour les Kleiniens et pour les scolés britanniques, lentement commence à élaborer là, les Kleiniens de la deuxième génération, etc. C'est que du coup, le praticien ne va pas écouter un délire comme un rêve. Ça a des conséquences extrêmement importantes, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attitude d'écoute d'un rêve quand on écoute un délire. Je ne dirais pas que c'était thématique dans les années 30 et 40, mais les meilleurs analystes, il n'y a aucun doute que ceux qui étaient les plus freudiens, les plus aigus dans leur écoute, c'était des gens qui allait chercher radicalement dans la théorie du rêve, hein, les éléments de l'autre logique de l'inconscient, etc. Hein, ils allaient les chercher dans le rêve. Quitte justement à ce que, comme chez Mélanie Klein, hein, la théorie ressemble à un cauchemar, quoi, hein, c'est-à-dire avec des ventres, des grandes bougies, des phallus qui se baladent dans des... C'est un truc absolument... Enfin bref, le fantasme sert à faire la théorie du fantasme. Et hein, comme disent les freudiens orthodoxes, n'est-ce pas, c'est complètement branque, n'est-ce pas, enfin, on peut expliquer les fantasmes, mais se servir de fantasmes pour expliquer les fantasmes, ça ne peut rien expliquer du tout, comme disent les partisans d'Alain Freud. Or, en même temps, on a bien le sentiment que c'était un mode d'écoute très particulier. Bon, et que ils écoutaient les gens comme ça. Là, c'est totalement aboli. Absolument aboli. Hein, écouter un délire, c'est partir à la recherche de corrélations synchroniques du rapport du sujet au signifiant, et en aucune manière tenter de voir quel est l'espace projectif à l'intérieur, au sens imaginaire, à l'intérieur duquel on est inclus, et quelles sont les déformations qui peuvent rendre compte de la cause, que serait-elle l'objet avec lequel le patient aurait été en relation, dans une sorte comme ça de déchiffrement du délire, comme d'un immense rêve, les yeux ouverts. Ça, vous allez voir quelques conséquences sur les trucs de l'époque. Alors, je voudrais maintenant souligner quelques points qui me paraissent des points un peu délicats dans la première section, hein, dans celle vers Freud. Ça commence par un truc super bizarre sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'ai le texte sous les yeux, alors c'est assez facile, sur la physis et l'antiphysis, n'est-ce pas, en disant une sorte de récusation complète de la théorie du psychisme. Ce que cherche à faire Lacan, c'est une psychose sans une théorie de la psychose sans théorie du psychisme. Voilà, le psychisme, pour lui, c'est quelque chose de l'appareil vivant, n'est-ce pas, dont l'odeur de graillon trahit sans aucun doute la pratique séculaire dans la dite cuisine, de la préparation des cervelles, et des prétentions de cette théorie du psychisme à s'enraciner plus ou moins dans une sorte de théorie cérébrale. Et pour lui, ça ne fait aucun doute, quand on voit où en est la physique, quand on en voit la théorie des champs, la cybernétique, etc., ça ne fait aucun doute que la rationalité ne peut en aucune manière se retrouver dans les théories du psychisme, du psycho, du psy, tout ce que vous voulez. Et que donc la psychanalyse, d'une certaine manière, il faudrait lui enlever son psych pour qu'elle devienne véritablement quelque chose qui a une consistance intellectuelle. Alors, comme vous savez, c'est les bouseux qui ont gagné, c'est les, hein, c'est les accumulateurs d'expérience et les préparateurs de cervelle. C'est que ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu ce mariage étrange des cybernéticiens de l'époque de Lacan, des années 50, avec les neurophysiologistes de ces mêmes années 50, et progressivement, c'est constitué ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, hein, qui sont à la fois une neurobiologie et une théorie des représentations du traitement de l'information. Hein, les sciences cognitives, c'est une théorie généralisée du traitement de l'information dans les organismes vivants, hein, et pas seulement vivants, hein, traitement général de l'information, encodé dans des formats représentationnelles, pour les tendances, qui se sont complétées, et ben, comme il le dit très bien, quoi, d'un petit supplément d'affect. Donc maintenant, on met de l'empathie partout, hein, les neurones miroirs, la résonance affective, la résonance, ça, c'est le complément de la chose. Et puis, une épistémologie s'est constituée autour de ça, c'est-à-dire qu'au fond, connaître, c'est examiner les capacités de construction des raisonnements par des organismes qui sont comme les nôtres, qui ont telle et telle propriété d'encodage de l'information, hein, une épistémologie qui est naturalisée. Et le tout fait de l'être humain, une espèce vivante comme les autres, et les grandes régulations de notre appareil cognitif, de notre cerveau, etc., sont celles qui sont sélectionnées par l'espèce, dans l'espèce, pour nous adapter les uns aux autres et aux transformations de notre environnement. Et donc, au fond, c'est exactement le contraire. C'est ce qui est devenu aujourd'hui le paradigme de la scientificité, c'est ce qui est désigné à l'époque, hein, comme étant une pure faillite. Alors, ce qui veut mettre à la place du psychisme, c'est le sujet. Donc la psychose, c'est une question de sujet, c'est pas une question de psychisme. Et il fait remarquer très justement, hein, que même quand on ajoute à ce sujet psychologique dans le but de corriger les résultats de l'analyse, les contrepoids variés de l'affect, comme il dit, ces contrepoids, ben, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit le même sujet qui soit le sujet affecté et le sujet qui soit le sujet de la psychologie. C'est d'ailleurs un problème qui se pose d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, dans les sciences cognitives, hein, la question de savoir si l'empathie va effectivement résoudre la résonance, hein, cognitive, le fait que nos cerveaux, par exemple, là, au moment où je suis en train de vous parler, on peut objectiver que dans vos cerveaux, il y a des états neuronaux absolument similaires qui sont produits, que par exemple, quand je lève la main, les neurones qui dans votre cerveau correspondent à ce mouvement de la main déchargent, et que le problème n'est pas du tout... Le vrai problème est d'expliquer pourquoi vous ne levez pas la main. Parce qu'en fait, le problème de la régulation, c'est que pour vous représenter en continu sur un mode en miroir, n'est-ce pas, dans des endroits bien précis, tout ce que je fais, en particulier sur le plan moteur, est que le contrôle, ça consiste à inhiber la décharge, enfin les effets de la décharge qui vous mèneraient, ils amèneraient sinon à faire exactement la même chose que moi. Bon. C'est très complexe de savoir comment ces neurones contribuent à la construction du rapport entre les gens. Une des choses très intéressantes, c'est que un certain nombre de ces neurones miroirs déchargent précisément dans les aires du langage. Hein. Donc il y a toute une théorie naturaliste du langage comme étant liée à un apprentissage imitatif. C'est très frappant quand vous regardez un petit bébé, par exemple, les parents sont toujours très frappés, un petit bébé passe un temps considérable à regarder les lèvres de ses parents. La bouche de ses parents, c'est vraiment un objet absolument central et qu'il ne fait aucun doute que nous avons été sélectionnés, la sélection naturelle a effectivement favorisé le fait de repérer ce type de choses au niveau de l'espèce. En tout cas, tout ça est très joli, mais on peut retourner le raisonnement contre Lacan. C'est qu'une fois que vous avez fait de la psychose quelque chose qui est un truc qui arrive au sujet, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que des êtres vivants comme des êtres humains qui sont psychotiques? C'est-à-dire que c'est très joli d'avoir chassé le psychisme, mais d'une certaine manière, il rentre bien par une autre porte, puisque c'est un être vivant qui est la proie de ce dysfonctionnement. L'idée d'une folie cybernétique, par exemple, celle de HAL, l'ordinateur de 2001, Odyssée de l'espace. Ça, HAL, c'est IBM, mais vous décalez une lettre avant, n'est-ce pas ? H-I, B, c'est A, L, N, c'est L. HAL, l'ordinateur de 2001, Odyssée de l'espace, c'est un ordinateur qui montre bien le type de folie que les gens ont pu avoir, de penser que la psychose pouvait être quelque chose de tellement désincarné du psychisme qu'un circuit électronique pouvait devenir fou. Et fou d'une folie qui n'existe que chez les êtres humains. C'est très général ce que je suis en train de vous dire sur l'attitude de Lacan. Se débarrasser du psychisme, être du sujet. De la même manière, au fond, toute la conception freudienne de la vie et du pulsionnel est poussée de côté et remplacée par quelque chose qui est une question, celle de l'existence. Ce n'est pas tellement le problème d'être vivant qui se pose dans la psychose, c'est le problème d'exister. Et c'est parce que c'est le problème d'exister se dit ensuite, en général, dans le vocabulaire de la vie, que les gens vont parler de la mort. Ils sont morts, ou ils se suicident, ou des choses de ce genre. Mais que le point logique, véritable point logique, où une logique du sujet est en jeu, porte non pas sur la catégorie de la vie, de la pulsionnalité, de l'appareil vivant, en quelque sorte, mais sur la question de l'existence. Alors évidemment, ça c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, la position générale du problème. Remplaçons la question de la psychose. Bon, il n'y a pas de traitement scientifique de la psychose. Et pourquoi il n'y a pas de traitement scientifique de la psychose ? Parce qu'on est toujours victime de cette psychologie du percipiens, du percevant, et de son rapport du percipiens au perceptum, à l'objet perçu. Tout ça, c'est un vocabulaire qui, dans les années 50, est totalement banal. Puisque la grande alternative dans le débat intellectuel français au marxisme, c'est la phénoménologie husserlienne. Les gens totalement oubliés, mais qui ont écrit des trucs super profonds à l'époque, comme Tran Duc Tao, par exemple, qui était le philosophe officiel du Parti communiste vietnamien. Je crois que ça n'a pas l'air de susciter l'enthousiasme ici. Tran Duc Tao était un petit génie qui avait tenté de fabriquer comme ça des sortes de synthèses entre l'idéalisme husserlien et le marxisme, pour équiper le marxisme d'une théorie de la science qui soit très cohérente. Et vraiment, la question de la perception husserlienne est partout. Les gens, dès que vous êtes un peu cultivés, vous connaissez ces choses-là. Donc, ce n'est pas du tout des termes étranges pour les gens de l'époque, percipiens et perceptum. Alors, l'idée, elle est très simple, c'est que il faut qu'il y ait quelque chose dans l'hallucination qui fait que les organes des sens, les sensoriums, l'audition, la vue, etc., soient d'une certaine manière réunis, d'une manière, alors, qui n'est pas précisé en général à l'époque, dans un centre de synthèse qui fait que ce dont je parle, ce que je vois, ce que je touche, etc., correspondent à peu près au même objet. Et donc, quand vous vous trouvez devant la question de l'hallucination, il n'y a pas à tripoter. Les sensoriums sont très différents, mais la perception, ce qui pose l'objet qui est perçu dans ce que je vois et dans ce que je touche, par exemple, le livre est l'objet perçu, c'est pas la sensation tactile sur ma peau, c'est pas la sensation visuelle sur ma rétine. Le perceptum, c'est le point unificateur de ce qui est capté par mes organes des sens et qui correspond en tant qu'objet 1 à la visée 1 du percipiens. Et que donc le percipiens, il a une unité qu'il découvre, c'est un point qui est quand même très important, en lien à l'univocité, au caractère unitaire de l'objet perçu qui est au centre des différentes appréhensions sensorielles que j'en ai. Bon. Pourquoi il le présente les choses ainsi ? Alors, la ficelle est grosse, c'est que bien évidemment, ça suppose que ça marche bien avec un livre, par exemple. Mais avec une phrase, c'est déjà plus complexe, puisque la phrase, elle peut avoir plusieurs sens, et qu'ayant étant équivoque, Hein, le mot, la phrase, elle peut être équivoque. Elle est intrinsèquement équivoque, alors l'idée d'un centre unificateur qui serait simplement le sujet de l'objet perçu, au sens unitaire, commence déjà à vaciller. Donc, toute la présentation de l'analyse de la perception est faite pour dire, mais si ce qui est perçu c'est pas un bouquin, mais c'est le sens d'une phrase, ça pose un problème. Problème qui est d'ailleurs très fortement discuté à l'époque. Hein, dans les recherches logiques de Husserl, les phénoménologues se sont immédiatement concentrés sur ce problème-là, hein, c'est-à-dire la désambiguation des équivoques, la question de savoir si les équivoques, c'est quelque chose de transitoire que l'on peut résoudre pour arriver à une univocité fondamentale, ou bien si c'est irréductible. Qu'à l'époque, le truc super branché quand vous faisiez de la phénoménologie, c'était de travailler sur les équivoques du sens. Lorsque Jacques Derrida, par exemple, m'avait raconté qu'il était étudiant, son premier projet de thèse, c'était de faire une phénoménologie de la littérature, une ontologie de la littérature, pour avec lui c'était phénoménologie ou ontologie, parce que précisément, la pluralité des sens des objets de la littérature faisait de la littérature un objet énigmatique pour une épistémologie phénoménologique, à cause de cette équivocité, si vous voulez. Et donc dans les années 50, hein, vous voyez, dans ce milieu-là, la question de la littérature et de l'équivocité est tout à fait présente à l'horizon des choses. C'est pour ça que ces textes-là ont été lus. Ils parlent aux gens, alors nous on a tout à fait oublié, hein, mais là ça parle très, très bien aux gens. Alors, il y ajoute cette remarque tout à fait forte que le sens et le son ne sont pas captés de la même manière. C'est-à-dire qu'entendre une phrase et dans cette phrase entendre la modulation, la percelle, hein, la modulation tonale, n'est-ce pas, ça monte, ça descend, comme un objet perceptif, comme quand on apprend. Il y a plein de langues africaines, par exemple comme le Haoussa, où il faut poser ces phrases sur des modules, des véritables modules de musicaux. En français, quand vous posez une question, n'est-ce pas, ça monte à la fin, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content? Vous entendez le « en » monte un petit peu plus haut. Il y a dans le Haoussa, une langue qu'on parle dans le nord du Nigeria, il y a un nombre effarant de formes sur lesquelles il faut apprendre à poser ses phrases en fonction de ce qu'on veut dire. Parce que c'est très... Et donc on les apprend en faisant nanananana, nanananana, pour apprendre à poser la question, l'ordre, enfin, c'est en général des trucs, ça correspond à des modalités, des choses comme ça, mais pas toujours. Et puis il y a entendre la phrase, et vous mettez les mots, et vous comprenez le sens de la phrase. Mais ouïr, hein, ouïr, comme il le dit ici, il n'a fait pas encore le jeu de mots sur jouir, ou jouir, hein, ouïr, c'est les deux. Il y a l'après-coup de la séquence, hein, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que j'ai compris ce que vous dites, et puis il y a le déroulement, la modulation sonore perçue, pour lequel on utilise le même mot, hein, ouïr, le son du nom. Vous voyez, quand à la fin du parcours, il introduit la notion de la langue, et l'idée, pour moi, incompréhensible, mais bon, pourtant très très joli, de la langue, c'est-à-dire de quelque chose qui serait équivoque. Ce que vous entendez, l'hypothèse, n'est-ce pas, de Lacan à la fin sur la langue, c'est qu'on entend un sens équivoque, c'est-à-dire que l'équivoque serait sensoriellement donné, en quelque sorte. C'est-à-dire que le bruit que ça fait, en quelque sorte, le matériau même du signifiant, serait à la fois du sens et de l'équivoque. Et que ce serait lié à la présence matérielle, voire littérale, de la langue, comme dans Joyce. Ici, on est aux antipodes, hein, c'est-à-dire on est vraiment dans une disjonction complète, où d'un côté, vous avez la connexion grammaticale qui suppose que vous ayez attendu la fin de la phrase, que vous en conceviez le sens, et puis de l'autre, que vous écoutiez avec un appareil sensoriel particulier, auditif, le son que ça fait. Et comme il le dit très bien, il le dit en page 533, c'est plusieurs subjectivités qui seraient impliquées là. Il y a la subjectivité qui comprend le sens et la subjectivité qui entend le son. Du coup, quand vous avez affaire à l'hallucination acoustico-verbale, quel est le sujet qui est impliqué ? Le sujet, le centre de visée perceptif du son, ou bien celui qu'on interpelle, celui à qui ça cause, ce qui est, et à qui ça signifie quelque chose d'absolument personnel, selon la formule consacrée de signification personnelle. Or, ceci est radical. Je prends souvent mes exemples dans les langues africaines, parce que c'est celle que je connais le mieux, du moins la syntaxe ou la sémantique. Et en Sesotho, par exemple, et ça m'a beaucoup frappé, il y a Kia Utloa. C'est un... Je crois que le ton est montant. Kia Utloa, ça veut dire... C'est très très embêtant quand vous le... on s'en sert quand on répond aux gens, ça veut dire à la fois j'écoute, j'entends et j'obéis. C'est-à-dire, par exemple, quand on vous arrête pour vous contrôler vos papiers sur le bord de la route, et que vous êtes étranger, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de moyen de dire que vous comprenez ce qu'on vous demande et de ne pas le faire. Parce que si vous dites au policier qu'il y a autre loi, le type, il s'attend à ce que vous fassiez, ce que vous avez dit. C'est une sorte de position très particulière. Alors, bon, c'est une ambiguïté qui se lève rapidement, ne serait-ce que parce que les gens comprennent rapidement que vous ne parlez pas de ces sous-tout, mais vous ne parlez pas comme ce n'est pas votre langue maternelle. Mais ça me paraît tout à fait frappant parce que Lacan, ici, dit très exactement ça. C'est-à-dire que quand on dit « écoutez-moi », le simple fait d'entrer dans ce qu'il appelle l'audience, c'est un usage très curieux du mot, dans l'audience de quelqu'un, c'est immédiatement se mettre en position d'être assujetti à ce qu'il va dire, de se mettre, d'être en quelque sorte sous l'empire de celui qui vous parle. Et là, il ne fait aucun doute pour Lacan, qu'on n'est pas du tout dans un registre qui est celui de la perception. On est immédiatement dans un registre institutionnel, de l'institution fondamentale, où quand quelqu'un parle et qu'un autre écoute, immédiatement, il y a un ordre social qui s'est instauré, qui n'est pas perçu, qui n'a rien à voir avec la perception, y compris quand quelqu'un ne parle pas encore et que les autres se mettent à écouter ce qu'il va dire. Dans le simple fait de se situer en position d'écouter ce que quelqu'un va dire. Et il commande ceci en ajoutant un point qui me frappe beaucoup, c'est que lorsque vous écoutez quelqu'un parler, il n'y a pas d'autre moyen de surmonter les effets d'adhésion immédiate, voire de suggestion, que cette personne peut avoir sur vous, que soit de considérer que ce qu'il dit, c'est pas lui qui le dit, mais il tient un discours au nom d'un autre, soit ce qu'il dit, c'est quelque chose dont l'intention, comme dit Lacan, est réservée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas entièrement co-présente à ce qu'il dit. En revanche, ça c'est vrai, je crois que chaque fois que vous entendez quelqu'un, et que ce qu'il dit, vous avez l'impression qu'il le dit en son nom propre et que son intention est immédiatement présente, c'est qu'en le disant, il déclare la totalité de ses intentions, vous vous trouvez en position d'avoir à lui répondre sur le plan où il vous a dit, directement. C'est extrêmement sensible quand on parle d'amour avec quelqu'un, par exemple, c'est ce genre de choses. Il y a un moment où on voit très bien comment dans le discours, dans le propos, la coprésence de l'intention à ce qui est dit ne laisse aucune possibilité à l'autre que de répondre là où sur le plan sur lequel on l'a mis. Pour se tenir à distance, il suffit de se dire « Ah oui, ça c'est un joli discours amoureux que tu me tiens là, par exemple. » Ou bien de se demander « Mais qu'est-ce qu'elle me veut en réalité ?» C'est-à-dire de supposer à l'autre une intention en réserve par rapport à l'intention qu'il déclare. C'est ce qui fait que, comme j'aime à dire, la psychanalyse est extraordinairement naturelle. Ça, c'est un point, vous savez, tout le monde a, on nous bassine avec cette histoire de psychothérapie. Là, il faudrait qu'on ait tous été psychanalysés avant de devenir psychanalyste. Et puis quoi encore ? Je veux dire, s'il y en a quelques-uns qui ont des psychanalystes, ils ont bien de la chance, hein, parmi les psychanalystes. Donc, tout le monde le sait, et néanmoins, on nous fait chier en disant, bon, vous savez. Alors, il me semble quand même qu'il faut quand même rappeler des évidences. Hein, je veux dire que si ça peut exister, la psychanalyse, c'est parce que justement, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être psychanalysés pour être psychanalyste. Simplement, il y a des gens qui ont effectivement ce talent extrêmement particulier de savoir non seulement diviser dans autrui l'intention qu'il déclare et celle qu'il tient en réserve, de savoir repérer que dans le discours que l'autre tient, c'est le discours d'un autre qui est tenu, qui ont cette habileté-là et qui n'y a aucune espèce de raison de penser, par exemple que toutes les enfances ou toutes les pubertés là, à cet égard, il y en a peut-être certaines, qui mettent les gens dans des configurations existentielles qui leur permettent peut-être de se repérer là-dedans beaucoup mieux que d'autres. Bah. Et puis je trouve aussi qu'ensuite, quand vous l'avez fait pour un autre, pourquoi vous ne le faites pas pour vous-même ? Je veux dire, la découverte de l'inconscient, il n'y a pas de raison de penser qu'on soit tous, chacun, obligé de calquer la nôtre sur celle de Freud ou de celle de ceux qu'on aime bien. Hein. Il se pourrait aussi bien que cette capacité à simplement à repérer dans son discours que c'est le discours d'un autre qu'on est en train de tenir, à nouveau, toutes les enfances et toutes les pubertés ne se valent pas. Il y en a peut-être certaines qui permettent de mettre l'accent là-dessus. Ça a aussi un intérêt, par exemple, c'est que ça n'exclut pas, a priori et au nom de je ne sais quelle norme hygiéniste, qu'un psychotique puisse devenir analyste, par exemple. Il y en a même certains qui peuvent probablement faire des tests. Il y en a, bon, des analystes psychotiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a peut-être certains qui peuvent effectivement être d'excellents analystes de certaines choses. Voilà. Bon. Ils sont moins cons, par exemple, que d'autres sur certains points. Donc vous voyez, il faut faire très attention, hein, à pas se laisser non plus bourrer le mou. Cette analyse de la psychanalyse, ça a quelque chose, c'est assez naturel. Alors, bien sûr, avoir fait une analyse, quand ça ne gâche pas tout, ça ne gâche rien. Hein. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, effectivement, on voit bien comment ça peut être, pour certains, un élément, etc. Bon. Mais il y a plein de gens, enfin, on voit ça très facilement en contrôle. Il y a des tas de gens, ils sont analystes, et vraiment pas à cause de l'analyse qu'ils ont faite. Hein. C'est même un miracle, hein, qu'ils soient. Mais le contrôle est très souvent la découverte du fait que les points d'appui ne sont pas donnés par forcément l'analyse ou le type de solution qu'on a donné à ce qu'on appelle un problème subjectif. Voyez. Donc, rendez-vous bien compte quand même que cette analyse du discours et de la parole, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Lacan. Hein, ça fait valoir la logique simple des choses. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, faire d'analyse pour devenir analyste, hein, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en rajouter des tonnes, hein, parce que tout le monde sait que c'est connu comme le loup blanc, hein, que ce n'est pas les analyses qu'ont fait les gens qui font des analystes. Hein. C'est un secret de Polichinelle. Bon. Et ça, c'est quand même, je crois, lié à la logique des choses et non au miracle particulier qui ferait de telle ou telle personne un personnage extraordinaire pour telle ou telle raison, parce qu'il n'aurait pas besoin de faire d'analyse. Donc, c'est important parce que tout à l'heure, quand on parle de l'analyse des psychotiques, alors effectivement, il se peut bien que dans certaines analyses de psychotiques soient impossibles, ce qui n'empêche peut-être pas des gens qui sont psychotiques ou qui ont été classés parmi les psychotiques pour telle ou telle raison, d'avoir un jugement analytique éventuellement extrêmement acéré sur tel ou tel point. Vous voyez, c'est pas, il ne faut pas prendre ces choses-là de manière trop rigide. Et donc, dès le moment où vous êtes sensible au fait que l'obéissance à l'autre l'effet d'induction suggestive liée au simple fait qu'on parle porte en elle-même sa critique. On peut, on voit très bien, on le fait. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », n'est-ce pas, vous pouvez très bien vous demander « mais qu'est-ce qu'elle veut ?» c'est pas obligé, c'est pas nécessairement capté. Ou « je te hais » d'ailleurs, ou des choses de ce genre. Il y a ce décollage de ce qui s'appellera petit a et grand a, dans quelques pages. Et ce décollage-là, il n'y a pas besoin d'avoir lu Lacan pour le faire. Nous sommes dedans. Il est dans les formes élémentaires de la parole. Alors, c'est cependant pas exactement sur ce que... Il ne dit pas que c'est ce qui compte le plus. Il dit que ce qui compte le plus dans la conception de l'hallucination acoustico-verbale, c'est de s'apercevoir qu'elle n'est pas liée, dit-il, à un sensorium particulier. C'est-à-dire que non seulement il y a une équivocité de la phrase, mais en plus, ça peut être une phrase écrite, c'est-à-dire que le psychotique peut lire le journal, peut lire un fait divers et savoir que c'est lui dont on parle. Bon. Il y a des phénomènes d'épellation hallucinatoire dont il parle, etc. Et il semble dire ici que c'est pas lié à quelque chose de sensoriel. C'est un tout petit peu embêtant parce qu'il donne un exemple qui est plutôt un contre-exemple. C'est celui du fait que, alors ça c'est de plus en plus avéré avec les progrès de l'imagerie, quand quelqu'un a une hallucination acoustico-verbale, son appareil phonatoire se met dans la position des mots qu'il prononce. C'est glas, sans un l'avait très très bien vu déjà, hein, que quand quelqu'un dit entend pute, n'est-ce pas, la contraction de la glotte ici est exactement dans la position qu'il faut. On sait, on en sait encore plus à ce sujet, et que toutes les théories cognitivistes contemporaines qui reposent sur l'idée de la régulation de l'action intentionnelle, du monitoring de l'action intentionnelle dans la psychose, insistent sur le fait que l'hallucination, c'est fondamentalement une perte du monitoring de l'intention, c'est-à-dire que ça parle comme ça, et comme je ne sais pas que c'est moi qui émets le son, je l'attribue à quelqu'un d'autre. C'est un biais attributif sur une erreur du monitoring de ses propres intentions motrices. Pourquoi est-ce qu'on irait dire pute, n'est-ce pas? Ça, il n'y a pas de solution dans le cerveau. Mais une fois qu'on a dit pute, ce qui est certain, c'est que le mécanisme d'attribution à autrui est lié à un monitoring de... De même, les cognitivistes n'ont rien à dire sur le fait que les hallucinations sont non seulement des hallucinations à signification personnelle, mais péjoratives. Je rappelle que le fait d'entendre des voix, ça ne fait pas de vous un psychotique. Peut-être que j'ai encore entendu, peut-être pour ça que j'ai toujours demandé si Jeanne d'Arc, je ne suis pas le seul, hein, je me demandais ça, c'est une vieille question, si Jeanne d'Arc était psychotique, parce que Jeanne d'Arc, elle ne se fait pas traiter de salope. On lui dit, va délivrer le royaume de France. Je lui dis, pour moi, vous hospitaliseriez, vous, quelqu'un qui en envoie délivrer le royaume de France? Non, il n'y a pas de raison. Je veux dire, tout le monde peut entendre ça. Je veux dire, en revanche, salope, vache, putain, le syndrome SVP, comme disait Henri Guay, n'est-ce pas, c'est plus emmerdant, quand même. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une chose de très importante, c'est parce qu'on entend des voix psychotiques. La voix a une signification personnelle. Il ne faut pas que la personne commence à me dire, mais c'est vraiment moi qui dois aller délivrer le royaume de France, etc. Moi qui suis une pauvre petite bergère qui a enlevé mes boutons à Don Rémy, etc. Non, parce que apparemment, hein, c'est un peu long hein, quand même, hein, pour que elle y va assez vite, on dirait. Mais bon, voilà. Puis en tout cas, elle ne se fait pas traiter de salope. Quoi. C'est pas évident que ce soit une hallucination ou une psychotique. Ce qui arrive à la Vierge Marie. Eh bien non. Ah, rappelez-moi son nom. Jeanne d'Arc. Alors, ça c'est un des éléments qui est problématique, c'est que la théorie lacanienne du signifiant ne comporte pas en elle-même l'indication que le signifiant est péjoratif. Il faut ajouter l'idée qu'il y a un objet mauvais, hein, quelque part. Mais la théorie de l'hallucination, là, elle marche aussi bien pour des hallucinations qui ne seraient pas en soi péjoratives. Elles ont une signification personnelle, je veux bien, mais pourquoi elles seraient péjoratives? Donc vous voyez, là, il manque un petit truc qui va être ajouté un peu subrepticement, à mon avis, plus loin. Alors, ce qui est très joli dans le... Je pensais que je commençais à 30 pages, j'en ai commandé 4, mais enfin bon, c'est pas grave. Ce qui est très joli dans le... J'en viens à la page 533 pour ceux qui voudront retourner au texte. C'est les arguments, les trois arguments dont se sert Lacan pour dire il n'y a pas de sensorium, il n'y a pas d'objet unitaire, donc ça n'a rien à voir avec les hallucinations de la vue, par exemple. La première, dit-il, c'est que une chaîne signifiante, dit-il, s'impose par elle-même au sujet dans cette dimension de voix. Que deuxièmement, elle prend comme telle une réalité proportionnelle au temps, parfaitement observable à l'expérience, que comporte son attribution subjective. Et troisièmement, sa structure propre en tant que signifiant est déterminante dans cette attribution qui, dans la règle, est distributive, c'est-à-dire à plusieurs voix. Donc, qui pose comme telle, TE2LE, très bien, je me demandais si c'était pas une coquille, donc c'est la règle qui pose comme telle, le persicias, prétendu unifiant, comme équivoque. Celle-ci s'impose par elle-même dans sa dimension de voir. Ça, c'est effectivement un truc très marrant. Les psychotiques, à moins qu'ils ne soient en plus télépathes, décrivent tout le phénomène comme un phénomène de voix. Ça m'a toujours beaucoup importé, c'est comme ça que moi j'ai appris à décoincer les mutismes quand, à l'hôpital. Hein. C'est quelqu'un qui dit rien. Enfin, il y a un truc très simple, c'est de lui dire tout de suite de quel côté vous entendez une voix. Est-ce que ce ne serait pas, en général, du côté gauche? 75% des hallucinations sont du côté gauche, de l'oreille gauche. On a même d'ailleurs des indications en imagerie cérébrale pour ce type de choses. Et donc, vous entendez des voix à gauche, et là, la personne qui ne dit rien depuis 4 heures, parce qu'évidemment, elle perçoit bien, c'est vachement important dans l'hallucination, elle perçoit bien qu'il y a un truc vraiment franchement louche hein, qui se passe. Elle vous dit oui, oui, alors, et là, et tout d'un coup, les mutiques ouvrent la bouche. Ça permet de se prendre pour le Christ sans être fou. Et c'est vraiment un truc extrêmement important, c'est que le fait d'être, que ce soit identifié comme une voix, c'est pas du tout trivial. C'est une voix, c'est que ça parle. Et ça, c'est immédiatement une voix qui n'est pas une voix entendue, mais qui est identifiée comme une voix. Il y a des voix psychiques, c'est, voilà. Il y a une texture de mots, etc., qui est directement accessible, présente et qui est voisée. Ce qui fait ensuite que cette voix n'est pas quelque chose de dépendant de ce que vous entendez à proprement parler, même si c'est identifié comme une voix, même par un sourd-muet. Le cas canonique de Sérieux et Capgras, c'était un sourd-muet de naissance. Alors, on ne peut pas dire qu'il avait de l'hallucination auditive. Hein. Enfin, il n'y a aucun problème. Il avait des voix, quoi. Pas besoin d'avoir jamais entendu de votre vie pour avoir des voix. C'est ça, je trouve le truc quand même extrêmement troublant avec l'hallucination acoustico-verbale. À l'hôpital Sainte-Anne, il y a un service qui s'occupe des sourds. Hein. Vous savez, les sourds, il y a toujours un problème. Un sourd ou paranoïaque, la question peut tout à fait se poser. Ah oui, quand vous êtes sourd, etc., vous voyez les autres parler, c'est très difficile de ne pas avoir d'imputation paranoïaque. Hein, c'est vraiment très très délicat. Et donc il y a, pour l'examen des sourds, des gens, des psychiatres qui connaissent le langage des signes, etc., et qui, pour s'en occuper, c'est assez compliqué. Deuxièmement, dit-il, la réalité proportionnelle au temps. Alors, parfaitement observable à l'expérience, je trouve que le parfaitement est quand même un peu fort de café, mais que comporte son attribution subjective. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un certain nombre de cas idéaux, on voit très bien comment la voix entendue est attribuée à quelqu'un selon un processus qui est exactement celui d'écouter quelqu'un parler et de trouver que c'est cette personne-là qui vous parle et qui s'adresse à vous et qui vous fait de vous l'interlocuteur possible. C'est-à-dire que se sentir l'interlocuteur de ces voix, c'est quelque chose qui est constitutif être un interlocuteur de ces voix. C'est pas, j'entends un bruit, ah ouais, ça me dit quelque chose, oh, ça me dit salope. Oh, merde, alors vraiment, chez moi, salope, non, quand même pas. Bon. Non, c'est d'entrée de jeu, ça m'insulte. Vous voyez ? Autrement dit, je suis immédiatement opposé, celui à qui la voix s'adresse, pour qui ça a une signification, et la signification, elle est même tellement instantanément présente que la distinction, comme vous savez, entre une hallucination voisée et une hallucination psychique, hein, où simplement c'est le sens pur qui émerge comme ça, on me traite de salope, on me traite de pédé, etc., c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'un approfondissement, d'une exploration de la sensation, d'une clarification de ses ambiguïtés possibles, c'est totalement direct comme sens. Ça pose d'ailleurs toutes sortes de problèmes pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu des très très grands obsessionnels, hein, qui est la question de la distinction entre l'automatisme mental et le mentisme. Les grands mentismes obsessionnels peuvent avoir une forme, une texture en quelque sorte, où on se demande si on n'a pas affaire à une psychose, tellement le flot de paroles est intense, hein, et intensément ressenti. Et puis troisièmement, qui est le coup final de l'argument de Lacan, comment voulez-vous qu'il y ait un percipiens pour ce genre de choses, vu que le percipiens dérive son unité de l'unité objectale qui sert de point d'unification aux données sensorielles diverses, hein, vu qu'il y a plusieurs voix, s'il y a plusieurs personnes qui parlent, qui me parlent, et qui se parlent entre elles, en plus, qui s'invective, la voix gentille, la voix méchante, la voix de femme, la voix d'homme, etc. Alors évidemment, chez Schreber, ça devient des milliers de voix, etc., des choses comme ça. Comment voulez-vous qu'il y ait un percipiens qui soit le principe unificateur qui corresponde comme à ce qui est ressenti, à ce qui est unifié dans ces voix. S'il n'y avait qu'une seule voix, on pourrait dire, au fond, que c'est le sujet qui se pense lui-même de travers et donc se retrouve dehors. Mais quand les voix commencent à discuter entre elles, les systèmes se disloquent de plus en plus et la fonction synthétique du moi qui serait lésée est totalement incapable, dans sa lésion, de produire un dialogue intérieur qui serait ensuite projeté à l'extérieur. Et donc il est prétendu unifiant et en fait il est univoque. Alors, j'aurais bien aimé... Je vais quand même dire quelque chose sur truie et cochon, parce que... et puis je m'arrêterai là-dessus ce soir. C'est la section 3 du premier. Il y a plusieurs choses que j'avoue que je ne comprends pas du tout, où je trouve que Lacan ne fait pas une théorie, mais nous rend sensibles à des nuances et à des manières d'examiner les phénomènes hallucinatoires qui sont quand même vachement intéressants, et c'est dommage qu'il soit un peu tard pour rentrer dedans. Mais enfin, je vais quand même en dire quelques mots. Vous vous rappelez, dans une présentation de malade, il se retrouve devant une fille qui est un délire à deux avec la mère, et elles étaient toutes les deux en butte à des injures de la part du voisinage. Un personnage qui est plus ou moins un persécuteur vient à être rencontré par la fille et le croise dans un couloir et elle hallucine que le gars lui dit truie. Bon. Alors, contre la version, enfin, contre l'interprétation classique, n'est-ce pas, c'est parce que elle aurait projeté sur lui cochon, donc ce serait revenu à l'envers, n'est-ce pas, sur le mode de truie, etc., ce type de projection qui ne représente que celle du psychiatre, comme dit Lacan pour se moquer. Lacan, en l'examinant, essaie de lui faire revenir au point où son discours intérieur s'articule juste avant truie. Et il tombe sur une phrase. Bon, il faudrait, on n'a pas l'enregistrement, on ne sait pas exactement qu'est-ce que la fille a dit, etc. C'est une présentation de malade, mais bon. Il nous présente les choses en disant, avant, elle était en train d'articuler en elle une phrase qui est « Je viens de chez le charcutier ». On ne sait pas si c'est au moment où elle le prononçait dans la réalité ou pendant la présentation malade, toujours est-il que Lacan dit « Ce « je viens de chez le charcutier » reste quelque part en suspens ». Et le « je » en question n'est pas tout à fait clair. Parce que dans l'ensemble délirant de ce délire à deux, il se trouve que cette femme venait de quitter son mari, ainsi que la famille de paysans dans laquelle elle était allée s'installer. Sa mère désavouait profondément ce mariage, était retournée avec sa mère. Et dans les éléments du délire, il y a notamment l'idée que sa famille, à la campagne, aurait eu le projet de la découper en morceaux. Et que donc, plutôt que... C'est très juste ce que dit Lacan, on va se calmer, on ne va pas avoir du délire, du fantasme de morcellement partout. L'essentiel, c'est de comprendre comment ce qui serait un fantasme de morcellement dans une hystérie, par exemple, a pu ici être mis en fonction, cet imaginaire-là, en sorte de s'articuler dans un délire à une hallucination comme truie. Et là, il y a un passage qui est absolument sidérant. Bon. À notre fin présente, je vous le lis parce que on peut pas, si vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous le lis pour que ça vous donne une idée des transitions vertigineuses que fait à chaque phrase pratiquement Lacan. À notre fin présente, il suffit que la malade ait avoué que la phrase était allusive, sans qu'elle puisse pour autant montrer rien que perplexité, quant à saisir sur qui des coprésents ou de l'absente portait l'allusion. Car il apparaît ainsi que le « je », comme sujet de la phrase en style direct, hein, le « je reviens de chez le charcutier », laissait en suspens, conformément à sa fonction dite de shifter en linguistique, la désignation du sujet parlant. Je m'arrête avant de continuer la phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que une phrase comme « je viens de chez le charcutier », le « je », qui parle ce « je » ? Ce n'est pas nécessairement elle. Elle peut tout à fait, dans l'équivoque de la chose, supposer par exemple que c'est le gars qu'elle est en train de rencontrer. C'est justement cette espèce de flottement qu'il essaie de capter. Un petit peu comme par exemple, lorsque vous évoquez tel ou tel mouvement ou geste d'une personne autour de vous, vous pouvez le comprendre et produire la phrase en première personne aussi bien. Ça nous arrive, ce n'est pas des choses qui sont complètement... Bon. En tout cas, la désignation du sujet parlant de ce « je » n'est pas claire, aussi longtemps que l'allusion, dans son intention conjuratoire sans doute, restait elle-même oscillante. C'est-à-dire que, par exemple, elle aurait pu s'imaginer que le gars qui vient là, c'est un persécuteur, pas un persécuteur central, hein, lui fait entendre, tu vois, je viens de chez les charcutiers, truie, c'est ton jour. Je glose un peu, comme ça, hein, pour essayer de... Et là, je viens de chez les charcutiers, virgule, truie, hein, c'est ton jour, le truie, il est uni par une virgule, en quelque sorte, à ce « je viens », à ce discours qui peut être prêté à l'autre. Et au fond, essayez de vous mettre dans la peau de cette femme, qui est morte de trouille, hein, qui croit, dur comme fer, et avec sa mère, avec l'appui de sa mère, que sa belle famille veut la couper en morceaux, elle voit un persécuteur, on peut très très bien imaginer, c'est pas du tout, vous pouvez essayer, ça ne va pas vous rendre paranoïaque, on peut tout à fait se représenter un état d'esprit dans lequel quelque chose de l'ordre du « je sais bien ce que tu penses », « tu penses », deux points, ouvre les guillemets, « je viens de chez le charcutier, virgule, truie, point de suspension, ça va être ta fête, c'est ton jour. Hein. Et quelque chose qui reste comme ça, hein, en suspens. Dans son intention conjuratoire, sans doute, dit Lacan. J'essaie vraiment d'optimiser ce que Lacan raconte. Cette incertitude prit fin, passé la pause, avec l'apposition du mot « truie », lui-même trop lourd d'invective pour suivre isochroniquement l'oscillation. C'est-à-dire, il y a un « je viens de chez le charcutier » et ce que tout à l'heure j'appelais « virgule truie » me désignant, quelque chose comme une fracture de la chaîne signifiante se produit en ce point, et le truie qui est « il me traite de truie » ou « on va me dépecer comme un cochon, comme une truie », prend tout son poids. Et c'est ainsi, continue Lacan, que le discours vint à réaliser son intention de rejet dans l'hallucination. Il a vraiment fait rentrer le lapin dans le chapeau, puis maintenant, oh, on sort le lapin, ça y est, ça sort, c'est truie. Ça vous remplacez la virgule par une expulsion, et ça vient de l'autre. Au lieu où, je continue, où l'objet indicible est rejeté dans le réel, c'est-à-dire celle qui n'arrive pas à... celle qui est nommée comme l'objet du massacre venir, la viande livrée en pâture à la férocité épouvantable de cette famille, de cette belle famille qui va la couper en morceaux. On comprend à demi-mot qu'elle a peut-être même dû s'enfuir, ou tellement elle a eu peur que son mari, effectivement, et sa belle famille la dépèce. L'objet indicible est rejeté dans le réel, un mot se fait entendre. Bon, il le dit, c'est que c'est vrai. Pour ce que, venant à la place de ce qui n'a pas de nom, bah si, salope, truie, cochon, enfin, ça n'a pas de nom. Il faut indiquer quelque chose qui est une césure réelle, là. Quelque chose qui n'a pas de nom, parce que c'est vraiment un innommable. C'est l'arrivée de l'innommable à l'intérieur de la chaîne signifiante. Il n'a pu suivre l'intention du sujet sans se détacher d'elle par le tiret de la réplique. C'est-à-dire qu'au lieu de la virgule, qui vient toujours dans le discours que je prête à l'autre, désormais le discours que je prête à l'autre s'arrête à « je viens de chez le charcutier » et là, ce n'est pas le discours que je prête à l'autre, c'est le discours de l'autre, sur un mode direct et non pas indirect, qui vient sur moi et dit « truie ». Opposant son antistrophe de décrit au maugrément de la strophe, restitué dès lors à la patiente avec l'index du « je », ben voyons. Oui, à la fois c'est logique, hein, puisque le seul pronom disponible, on pourrait imaginer d'une certaine façon, c'est « je » à ce moment-là, puisque c'est pas « tu », bon, c'est « je ». Bon. Et rejoignant dans son opacité l'éjaculation de l'amour, quant à court de signifiant, alors c'est le truc pour moi le plus farfelu, hein, pour rappeler l'objet de son épithalame, hein, c'est des poèmes de mariage, des épithalames, il y emploie le truchement de l'imaginaire le plus cru. Et là, on nous demande de croire que la séquence « je reviens de chez les charcutiers » et là vous entendez une voix qui dit « truie », serait la même chose qu'une phrase comme « je te mange chou, tu te pâmes rat ». Je te mange chou, tu te pâmes rat. Alors évidemment, l'antistrophe de décrit s'oppose tout à fait au maugréement de la strophe, hein, il n'y a aucun problème. Enfin, vous sentez là qu'il y a quand même une sorte de manipulation extraordinaire de la situation pour essayer de faire sentir quoi ? Que dans le tremblement, l'oscillation du discours intérieur de cette jeune femme, enfin jeune, je ne sais pas, dans l'oscillation du discours intérieur de cette jeune femme, vous avez une ambiguïté extraordinaire dans l'attribution du dans l'identification du sujet parlant qui se manifeste dans le pronom personnel « je ». En sorte qu'au moment où le mot « autrui » reste encore pensé comme quelque chose que je pourrais être pour l'autre, mais je lui attribue la pensée que je suis ça pour lui, une cassure se produit. Une cassure se produit parce que l'objet que je suis est un objet livré en pâture à une férocité impensable, donc d'une certaine manière innommable, et que se casse quelque chose dans la concaténation signifiante qui fait que l'autrui se détache et me revient du dehors sous une forme de voix me désignant comme autrui. Et c'est l'hallucination acoustico-verbale. Réciproquement, si on essaie de renforcer le dispositif, c'est précisément parce que la chaîne signifiante se fracture en ce point de réel en détachant avec le tiret de la réplique, là où il y a la virgule, il y a maintenant un tiret de réplique, que l'ensemble du délire se nourrit, puisqu'à la fois cette hallucination a besoin du délire général, hein, on veut me dépecer, donc me traiter comme me couper à la feuille. Là. Ah, je sais pourquoi, au lieu de préparer mon séminaire, j'ai passé un temps fou à lire l'histoire de Dany le Prince, vous savez, le boucher de la Sarthe, là, qui a découpé la famille de son frère à la feuille de boucher. Là. C'est probablement cette histoire-là qui m'a découpé un fouillon. Je n'arrivais pas du tout à écrire mon séminaire. Et donc, il découpe, hein, les autres vont la découper, et c'est ça qui produit l'hallucination. Donc l'hallucination est prise dans un système signifiant synchronique de délire, et ce système synchronique du délire identifie un objet innommable qui, dans la phrase signifiante, produit la rupture. J'ai eu une seule fois un cas de délire à deux, c'était un truc absolument désopilant, ça m'était adressé par un otorhino. C'est un otorhino qui reçoit une dame, etc., qui dit, voilà, ma mère, c'est épouvantable, on a été chassés de chez nous, on insulte à longueur de journée, les voisins, salopes, truies, porcs, on aura ta peau, etc. On a été obligés de vendre notre appartement, de se réfugier à l'hôtel, il a manque de bol, à l'hôtel, ça recommence. La salope, truie, etc. On change d'hôtel, ça continue, etc. Et alors l'autorino dit, madame, qu'est-ce qu'il faut votre visite ? Elle dit, mais j'entends rien, mon docteur. J'entends rien. Et la situation extraordinaire, effectivement, c'est là où vous voyez, c'est ça un délire à deux. Hein. Mais moi, docteur, j'entends rien. Il n'y avait aucune espèce de possibilité pour cette femme de concevoir qu'elle était complètement induite, hein, dans ce dispositif. Je préfère cet exemple-là parce que justement, on n'y entend rien. Si vous n'y entendez rien, l'hallucination auditive est encore plus pure dans son fonctionnement lacanien. Elle est encore plus pure parce que vous n'avez pas besoin de vous engager. Il suffit simplement que ça me vise sans même que j'ai rien entendu. Et c'est peut-être ça le point du délire à deux. Ici, un délire mère-fille, qui sont des délires effectivement extrêmement particuliers en plus. Hein, bon. Mais ce sont des délires dans lesquels très couramment vous avez des phénomènes d'induction comme ça. C'est-à-dire que une est dans le délire de l'autre, et on a l'impression qu'il n'y a que la mère ou il n'y a que la fille qui entend des voix, et que l'autre croit aux voix que l'autre entend. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas que la fille croyait que sa mère croyait les voix que sa mère entendait, sans les entendre, parce qu'elle était sourde et qu'elle venait se faire soigner, se faire déboucher les oreilles. C'est que littéralement, elle était elle aussi pris avec sa mère dans cet espace de signification commun, hein, une espèce de blob comme ça, complètement unitif et imaginaire, où il n'était même pas imaginable qu'on ne leur veuille pas du mal, qu'on ne les chasse pas, toutes les deux. Et Alors là, il me semble que c'est déjà un tout petit peu plus pensable. Je reviendrai la prochaine fois sur cette histoire-là. Mais quand même, permettez-moi de souligner ceci, c'est que, sauf à traiter toutes ces choses-là comme des mécanismes qui seraient vrais parce qu'il y a des lois du signifiant et autres foutaises, bon, qu'il faudrait les apprendre pour comprendre comment marchent les psychotiques, etc. C'est extrêmement subtil ce que raconte ici Lacan, c'est une manière, au fond, d'essayer d'entrer comme on l'a certainement jamais fait avant lui, même chez Minkowski au fond, dans la texture, au sens du texte, dans la texture de l'hallucination. C'est une question très intéressante de demander, mais qu'est-ce qui vous passait par la tête avant d'entendre l'hallucination? Je trouve que c'est pas du tout une question qu'on pose couramment. C'est peut-être aussi parce que c'est miraculeux que là, cette patiente-là ait dit « je reviens de chez le charcutier ». Parce que c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est trop drôle, on va dire, si elle entend autrui, c'est parce qu'elle pense cochon, enfin, on ne peut pas s'en empêcher de penser un truc pareil. C'est trop drôle. Vous voyez, les explications projectives du clinicien, elles sont irrésistibles. C'est ça le contre-transfert, je veux dire. Et puis ça nous soulage d'une certaine angoisse. Là, il est allé explorer ça. Il en tire quand même quelque chose de remarquable. Parce que je trouve ça très joli l'idée que ce que j'ai appelé avec la virgule, il n'y a pas question de virgule, mais enfin en tout cas de cette, ce truie non dit va hop lui revenir de l'autre côté. Bon. Ça suppose une conception du signifiant qui n'est plus du tout une conception linguistique du signifiant, puisqu'au fond la chaîne parlée, elle est cassée par le fait qu'il y a un objet indicible qui vient là casser la chaîne signifiante. Alors, il n'a pas le concept d'objet ptita, d'accord. Donc il n'y a pas la mise en équivalence de la coupure et de l'objet, bon, dans un passage de ce genre. Bon. Mais il ne faut pas non plus s'affoler, même si vous dites « ah oui, mais l'objet ptita, c'est la coupure », c'est complètement nominal, ça ne résout pas le problème. C'est une façon de déduire... des choses, enfin de dire autrement le problème qui se pose là. Comment ça se fait que ça se casse en produisant cette inversion? Je vais arrêter là, mais c'est ça qui m'a paru le plus frappant dans ce texte, c'est que à la fois j'ai beaucoup de mal à croire que c'est pour cette raison-là qu'elle entend autrui, et en même temps je trouve l'explication ou la proposition d'explication complètement suggestive. Quand on discute avec des collègues, n'est-ce pas, qui vous assènent, ah oui, dans la psychose, le message revient de l'autre sous forme directe, etc. Ça me fait toujours marrer, parce que direct, indirect, mais c'est sous forme de négation, sous forme d'affirmation, sous forme d'inversion du sujet, du pronom. Il y a 100 000 façons de faire revenir les choses de manière directe, dans la syntaxe. On en trouve toujours une. Donc c'est pas un problème, c'est pas vraiment très déterminant. Ici, vous avez une tentative. Et j'ai cherché, avec Internet, on peut chercher ces choses-là, où est-ce qu'il avait pris « je te mange chou, tu te pâmes rat », c'est pas, je me demandais si c'était pas du prévert, hein, des choses comme ça, rien ne sort, j'ai des recettes de soupe au chou, des choses comme ça, mais j'ai aucune, rien du tout sur « je te mange chou ». J'aimerais vraiment savoir où est-ce qu'il a, où il a été chercher ce truc-là, hein, sur chou et rat. D'autre part, tu te pâmes, trait d'union rat et raté. C'est la désinence du futur, tu te pâmeras, n'est-ce pas, hein, c'est comme ça que je l'entends, avec le rat là, qui surgit, c'est extrêmement curieux, j'arrive pas du tout à voir le rapport avec « je reviens de chez le charcutier, truie ». Bon. Eh bien, donc, si vous lisez pour la prochaine fois dans cette édition-là, c'est page 391 sur l'hallucination. C'est vraiment dans la phénoménologie de la perception. Ça vous plaira.